dancer on the beat. Les ennemis me mettent les bâtons dans les roues. Mais je suis jeune prêt, ma maman m'a fait garçon. Ils veulent ma place, ils veulent me tête, ils veulent m'éteindre. Mais je suis jeune prêt, ma maman m'a fait garçon. Elle m'a fait garçon. Je suis sur ma route comme un vrai garçon. Aucun regret comme un vrai garçon. J'aurais pu jeune de toutes les façons. De toutes les façons. Et pour les factures, on j'en brousse. Charlotte à mes carmères, on met la cale et on pousse. On rentre en piste, trop de soucis qui nous poussent à bout. Ces bâtards nous jalousent, mais on s'en bat les couilles. C'est que des poussiens, c'est fort qu'une poussien. Je rentre en pousse, quand on arrive, on est des noussiens. On s'attend au coutien, ils font jalousien. Mais t'inquiète pas, c'est mon Javel au calamar, un vrai garçon. Les ennemis, me mettent les bâtons dans les roues. Mais je suis jeune prêt. Ma maman m'a fait garçon. Ils veulent ma place, ils veulent me tête, ils veulent m'éteindre. Mais je suis jeune prêt. Ma maman m'a fait garçon. Elle m'a fait garçon. Je suis sur ma route comme un vrai garçon. Aucun regret comme un vrai garçon. Je refuse jeune de toutes les façons. De toutes les façons. Les ennemis veulent prendre ma place, mais je suis jeune prêt. Conspiration vient de chez nous, mon magot t'inquiète. Ils viennent à 10, ils viennent à 100, mais je les maltraite. Moi j'avais mis les calculs up, c'est que des papiers. On perd plus le temps, on n'a qu'une seule vie. Pas de concurrent, j'ai que des ennemis. T'as qu'à la souris, j'ai ma vendre du shit. Morgue de cité, fumer la vie. On veut les billets de 10, on veut entasser les billets de banque. Ah ouais, éjaculation dans sa bouche, elle a quelque chose sur le bout de la langue. Ah ouais, les ouais. Ennemis me mettent les bâtons dans les roues. Oh là là. Ils veulent ma place, ils veulent.